Des valeurs déjà records. Demain, on pourrait gagner 1 degré encore par rapport à aujourd'hui. Il y aura aussi beaucoup de soleil. Et puis jeudi, on surveillera donc l'approche d'une zone pluvio-orageuse qui devrait nous atteindre en fin de journée à partir de la frontière française. Très bon après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Plus de sauveteurs à la mer, plus possible de se baigner malgré le beau temps cet après-midi. Ce sera la même chose demain. À la côte belge, on cherche des solutions pour permettre la baignade en septembre à l'avenir. Nos voitures consomment beaucoup plus que ce que les constructeurs annoncent. 45% de plus selon une étude toulousaine. Pas vraiment une fraude selon les spécialistes de l'automobile, mais une manière de calculer qui utilise toutes les techniques possibles pour réduire la consommation. L'armée hollandaise engage. Elle engage des aigles pour surveiller les drones potentiellement dangereux. Le journal de 13h, présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. C'est encore une super météo qu'on annonce aujourd'hui et demain. Presque trop beau pour un mois de septembre. En tout cas, on n'est pas vraiment habitué à de telles températures. Conséquence, par exemple, il n'y a plus de maîtres nageurs à la mer du Nord et se baigner. C'est donc assez risqué et péril, sauf à Coxyde, Knokke et Blankenberg. Sophie Merghem était à la mer ce matin. Elle est allée à Middelkerk, elle a rencontré le patron des sauveteurs, Johnny Devey. Il cherche des solutions. C'est possible de former un système de poule qu'on peut regarder. Voilà, on a 20 sauveteurs qui peuvent se présenter au mois de septembre. Et comme ça, on peut peut-être résoudre le problème pour trouver des sauveteurs pendant des jours qu'on a du beau temps. C'est une solution que les 10 bourgmestres se mettent au rang de la table et qu'on discute de ça. C'est vraiment un problème. Je dois quand même dire que ce n'est pas facile. Moi, je dois toujours dire, comme président du sauveteur, moi, je dis toujours, pas de sauveteur, on ne peut pas bénir. Dans les écoles non plus, on n'est pas tout à fait habitué aux 30 degrés du mois de septembre. Alors on s'organise, particulièrement dans les classes en préfabriqué. Les cours de gym aussi sont légèrement revus. Et puis dans les centres ADEPS cet après-midi, les courses d'orientation sont devenues des marches d'orientation. Un nouveau coup de massue dans le secteur des assurances. Le groupe PV annonce aujourd'hui qu'il va se séparer de 300 personnes dans les 4 ans qui viennent. Après AXA qui vient d'annoncer 650 licenciements, c'est donc au tour de PV. PV emploie 1700 personnes en Belgique. Elle veut aussi revoir les salaires de ses employés pour être plus efficace et accélérer sa transformation. La société avait pourtant clôturé l'année 2015 avec des bénéfices, mais les taux d'intérêt, on le sait, sautent au plancher et ça pèse dans les calcul de rentabilité de l'entreprise. Les voitures consomment beaucoup plus que ce que vantent les catalogues. On savait que les publicités étaient parfois trompeuses, mais là, on atteint des sommets. Selon une enquête réalisée à Toulouse, les voitures consomment carrément 45% de plus que ce qui est annoncé par les constructeurs, et ça concerne tous les constructeurs en Europe. Les plus mauvais élèves, Renault, Toyota et Ford. Bruno Godard est journaliste automobile, il a testé énormément de véhicules, il n'est pas surpris. Depuis des années, dans ses articles, il annonce des consommations supérieures à celles des constructeurs. Pour lui, on ne peut pas pour autant parler de fraude. Je ne crois pas que ce soit une manipulation. Je crois que, tout simplement, c'est une optimisation et un emploi, je dirais même intelligent, de la loi et des normes qu'on vous oblige à respecter. Et comme la consommation, ce qui n'était moins le cas avant, devient un argument de vente extrêmement important, mais il va de soi que tous les constructeurs essayent de pouvoir annoncer la consommation la moins haute. Mais ils font effectivement tous la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils trichent. Non, vous trouvez que ça n'est pas triché, cela? Mais non, ça n'est pas triché, puisque si on vous dit, voilà, pour annoncer votre consommation, vous vous pliez à telle norme, il s'y plie. Et puis, alors en réalité, ce n'est pas du tout ça. Je crois que c'est le législateur qui se plante. Parce que? Mais tout simplement parce qu'il est urgent que l'on revoie ces normes et qu'on les adapte à la réalité, c'est tout. Bruno Godard, journaliste automobile avec Miguel Allo. Cette enquête aussi du bureau d'études de secrétariat social Sécurex. Le stress au travail, ça commence dès que vous sortez de chez vous. Ne pas pouvoir planifier son temps de trajet, que ce soit en voiture ou en transport en commun, cela mine les travailleurs. Un conducteur sur trois est stressé, un utilisateur de train, bus, métro sur quatre. Ça peut être un facteur aggravant pour le burn-out. Dans le même temps, le trajet, vous en avez besoin aussi car il vous aide à apparemment à décompresser entre le travail et la maison. Deuxième camouflet pour les parlementaires, la direction de Caterpillar refuse à nouveau de se présenter devant les commissions de la Chambre. Elle se retranche toujours derrière la procédure de la loi Renault pour refuser ses auditions. On apprend par ailleurs que la production pourrait reprendre jeudi sur le site de Gosselies où plus rien ne tourne depuis l'annonce de la fermeture le 2 septembre dernier. Les travailleurs, semble-t-il, souhaitent redémarrer les lignes de production. La décision sera prise lors d'une assemblée générale demain. Des aigles pour lutter contre les drones. Les drones sont de plus en plus nombreux à nous surveiller. Certains de ces objets sont parfois une menace pour la sécurité, notamment lors des rassemblements de foule ou lors de visites de personnalités. Eh bien, aux Pays-Bas, les policiers d'Amsterdam ont trouvé la parade. Ils ont dressé des aigles pour capturer les drones malveillants. David Riffon, les premiers rapaces viennent de terminer leur formation. Oui, les tout premiers entraînements avaient débuté fin 2015. Une société privée a été chargée de former les rapaces en concertation avec le coordinateur national de lutte contre le terrorisme. Imaginez la scène, des chefs d'État se rassemblent pour un sommet. Soudain, un de ces objets volants déboule dans le ciel. Une menace, peut-être, et la zone ne peut être survolée. Pas de temps à perdre, la police fait intervenir un aigle. Il fond sur le drone comme sur une proie et l'écarte dans un endroit sûr. Aujourd'hui, les premiers rapaces sont prêts. Leur spectre d'intervention pourrait être large. Une zone proche d'un aéroport, un grand rassemblement de foule, un hélicoptère médicalisé qui ne peut se poser à cause d'un drone. Pas le temps, dans ce cas, de trouver le propriétaire de l'engin. Il faut le neutraliser. Les rapaces peuvent intercepter des drones de petite taille essentiellement. Pour les plus grands, c'est difficile car le drone ne peut être piégé dans les serres de l'animal. L'idée néerlandaise séduit. La France, l'Allemagne s'y intéressent. Chez nous, la défense mène une réflexion sur le sujet et l'OTAN a également commandé des études. Une santé insolente pour IKEA. Le géant suédois du meuble a encore augmenté ses ventes en Belgique, plus 11% pour le premier semestre. Des chiffres qui s'expliquent sans doute par la présence de deux nouveaux magasins en Belgique, Hasselt et Mons. L'enseigne emploie 3800 personnes en Belgique. Et nos achats, eh bien, ils intéressent aussi la police. Alors pas tous nos achats, sûrement pas nos achats de meubles, mais vous, quand vous allez dans une pharmacie, un magasin de bricots ou un magasin de peinture pour des produits qui pourrait potentiellement servir à la fabrication d'explosifs ou de détonateurs, eh bien vous risquez d'être un peu plus surveillé. Les commerçants ont reçu une brochure, Romain Bardet. Ils doivent être vigilants et signaler les achats suspects. Cette brochure est la conséquence d'une loi votée avant les vacances par le Parlement, une loi désormais plus sévère qui transpose le règlement européen. Certaines substances sont interdites à la vente et pour le reste, le commerçant doit signaler les cas suspects sous peine de sanctions. Achat en grande quantité, comportement nerveux ou paiement de grandes sommes en cash. Pour Didier Collard, patron d'un bricot, c'est avant tout une question de bon sens. Comme on est un petit commerce de quartier, on connaît nos clients. À partir du moment où quelqu'un vient pour des grandes quantités, soit on refuse la vente, soit on lui dit carrément qu'on n'est autorisé qu'à lui vendre un bidon de 5 litres. Cette brochure explicative sera envoyée partout dans le pays d'ici octobre, précise le ministre de l'économie, Chris Peters. Du côté des pharmaciens, on n'a pas attendu la création de cette brochure. Koen Stretman, c'est secrétaire général francophone de l'association pharmaceutique belge. Pour nous, ce n'est pas nouveau. Déjà en juin, on avait pris connaissance qu'un projet de loi allait venir et on a anticipé, on avait déjà discuté ça avec l'agence des médicaments et on a anticipativement informé nos pharmaciens fin juin de faire attention et d'informer le point de contact fédéral lorsqu'ils ont des cas suspects. À sa connaissance, aucun cas n'a encore été signalé en pharmacie. Koen Stretmans, pour qui la sanction est peut-être exagérée, même si selon le gouvernement l'objectif n'est pas de jouer à la police, l'obligation de signalement est désormais bien là. Les footeux ne se tiennent plus, les autres vont devoir prendre leur mal en patience. La phase de groupe de la Ligue des Champions commence ce soir. La Ligue des Champions, c'est la compétition européenne. Celui qui l'emporte a le droit d'embrasser la coupe aux grandes oreilles. Ce sera le 3 juin 2017. Bref, à partir d'aujourd'hui, c'est tout le gratin du foot qui se rencontre. Manu Jousse. Le championnat d'Espagne délègue chaque année 3 candidats sérieux à la victoire finale en Ligue des Champions. Bien entendu, le Real Madrid, vainqueur sortant et dont le coach Zinedine Zidane a remporté le trophée 5 mois seulement après son entrée en fonction. Ensuite, Barcelone, toujours porté par son trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. Enfin, l'Atlético, finaliste en 2014 et en 2016 et qui n'a pas davantage révolutionné son noyau. En embuscade, derrière les 3 Espagnols, on retrouve le Bayern Munich. Son nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, a déjà remporté 3 fois l'épreuve avec l'AC Milan et le Real. L'Italien vise ce qu'aucun autre coach n'a encore fait, décrocher la Ligue des Champions avec un 3e club différent. Au-delà de ce carré d'as, 2 autres clubs avancent de sérieux arguments. Manchester City, qui a dépensé 185 millions d'euros en transfert et a tiré un coach de premier ordre en la personne de Pep Guardiola, et la Juventus de Turin, finaliste en 2015. La Juve, qui a rentré 105 millions dans ses caisses rien qu'avec le départ de Pogba et en a profité pour attirer du beau monde comme Daniel Alves, Pjanic et surtout Higuain, l'Argentin qui avait éliminé les Diables Rouges lors de la dernière Coupe du Monde. Alors ce soir, 8 matchs au programme. PSG Arsenal par exemple, Eindhoven, Atlético Madrid. Demain, le seul club belge en lice, Bruges, affronte Leicester. Voyons comment ça se passe sur les routes avec vous, Caroline Gillet. Des ralentissements dans le centre de Bruxelles, c'est cela? Exactement, entre les tunnels botaniques et Rogier vers la basilique principalement. Quelques files aussi dans le chantier de Cherat sur le 40 Aix-la-Chapelle, Bruxelles. Vous perdez 15 minutes environ en direction de l'Allemagne. Et puis à l'instant, on nous signale qu'un pneu se trouve sur le 25 Bastogne-Liège à hauteur de Mont. C'est en voie de droite, soyez donc vigilants vers Liège. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, on prend la vie du bon côté avec vous, Sylvie Honoré. On va toucher à l'intimité cet après-midi. On touche à l'intimité, les femmes, en effet. Merci pour ce journal, Manu. L'info revient à 14h. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi, j'espère que vous allez bien. Une émission donc sur l'orgasme féminin aujourd'hui, autant annoncer la couleur hein, avec le retour d'Yves Psalti, sexologue, auteur, conférencier, formateur en sexologie clinique. Avez-vous passé un bel été mon cher Yves? Oui, c'est terminé, les vacances aussi sont terminées, mais on travaille. Hein. Tellement de soleil dans le ciel. Ah ici maintenant, ça fait du bien, voilà, on en profite. Donc au jour d'aujourd'hui, dites-vous, les femmes veulent obtenir un orgasme. Il y a bien sûr celles qui disent « je n'ai jamais obtenu d'orgasme de ma vie, mais je prends beaucoup de plaisir lors des relations sexuelles ». Ah, là on touche peut-être pas mal de personnes. Vous avez souvent entendu ce genre de propos, Yves, mais vous dites seulement chez des femmes qui n'ont pas une grande expérience sexuelle, ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre toutes les femmes, ni les hommes d'ailleurs, dans le même panier. Oui. Donc les femmes, il y a des femmes très sexophiles, qui adorent la sexualité, très compétentes sexuelles. C'est un tiers, environ un tiers des femmes. Un tiers des femmes n'aiment pas du tout la sexualité. Donc ce sont des sexophobes. Ce genre de propos, je n'ai pas d'orgasme mais j'ai beaucoup de plaisir, c'est en fait jamais prononcé par les sexophiles. Les sexophiles, elles justement, elles vont chercher l'orgasme, elles obtiennent beaucoup beaucoup d'orgasmes. Donc quand on a, donc une femme, j'ai jamais vu une femme qui a 5000 relations sexuelles derrière elle et qui sort ce genre de phrase. Pourquoi? Parce que c'est soit elle qui va mettre la pression, il faut que j'obtienne un orgasme. Donc ça va être vraiment la tyrannie de l'orgasme. Elle va y arriver, quoi. Elle le veut, donc elle y arrive, c'est ça? Ouais, il faut un lâcher prise pour ça. Donc juste plus elle va le vouloir, moins elle va y arriver. Oui. Donc c'est ça, parce qu'elle n'a pas de lâcher prise. Sans arrêt, elle va courir derrière elle. Je dois l'obtenir. Et en fait, elle ne va pas l'obtenir. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas de lâcher prise. Soit c'est son homme qui va lui mettre la pression en disant, n'oubliez pas que 70 à 80% des hommes, le paradigme actuel pour les hommes ici en Occident, accident, c'est comment est-ce que je vais donner du plaisir à la femme. Donc malheureusement, les hommes sont trop altruistes, ils ne sont pas suffisamment égoïstes, c'est que in fine, eux-mêmes ne vont pas bien jouir. Donc ils sont vraiment, ils ont un seul but une fois qu'ils entrent dans le lit, c'est comment est-ce que je vais donner du plaisir à la femme. Évidemment, s'il se trouve avec une femme qui n'a pas de plaisir, qui n'a pas d'orgasme, ça va lui poser une un questionnement sur sa virilité, sur est-ce que je suis un bon amant ou pas, et ça va lui poser énormément de questions. Donc, il va mettre la pression à la femme pour obtenir un orgasme. Mais attention, donc ici, je parle aussi aux féministes qui disent, oui, mais les hommes mettent la pression à des femmes pour qu'ils obtiennent un orgasme. J'ai un appel aux féministes. Il n'y a pas de poids de mesure. Dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Donc, une femme sexophile qui est avec un homme et qu'un homme ne jouit pas, elle va lui mettre la pression en disant « Écoute, mon coco, moi, je suis bienvenu, t'as bien vu, hein, tu t'es bien amusé avec moi, hein, t'as bien. Mais maintenant, c'est toi aussi qui dois venir. » Elle va lui mettre la pression pour qu'il vienne. Et plus elle va lui mettre la pression, moins il va venir, moins il va jouir. Bon. Donc, il n'y a pas de poids de mesure. D'accord. On fait exactement les hommes et c'est les femmes. C'est une introduction, ne donnez pas déjà votre cours ici. Hein. Non, il y a beaucoup de choses encore à dire. Ça, ce n'est qu'une introduction. Oui, ça, j'ai bien compris. Attention, bon. Hein, là, le sujet, il est vaste. J'ai bien compris aussi que nous allons, à mon avis, toucher un maximum de personnes, puisque vous êtes bien là pour le confirmer. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir en consultation pour ça. On rappelle que tout ce dont on parle ici, ce n'est pas sale, car la santé sexuelle organique suppose une bonne santé des organes sexuels. Vous le dites quand même souvent, hein, et le bon fonctionnement en ce qui concerne ses organes sexuels. Donc, on en est là. Une émission sur l'orgasme féminin, parce qu'en effet, c'est pour votre bien. C'est pour le bien de beaucoup de personnes. Voilà. Pour la majorité des personnes, mais n'oubliez pas qu'à côté de ça, il y a des sexophobes qui n'aiment pas la sexualité et on doit les respecter. Absolument. Donc, on ne doit pas les pousser à pour avoir, le bien à avoir de la sexualité, tout ça. Et ceux donc, qui souhaitent pour les, aller... Pour ceux qui sont intéressés, pas pour les autres. D'accord. Et on leur doit respect. Absolument, absolument. Mais la sexualité du bon côté, de toute façon, hein, cet après-midi, vous avez changé de site en plus. Sexualitépositive.com, c'est votre site. Vous auriez pu l'appeler sexualité du bon côté. Hein. Du bon côté, j'aurais bien avec aimé, un papillon là. Hein, avec un petit papillon, et voilà. Ça dépend où on le met. 070-23-33-23, SMS 30-63, si vous souhaitez donc intervenir aujourd'hui dans l'émission, avant 15h, c'est parti. La vie du bon côté. sur Viva dans cette émission consacrée à l'orgasme féminin. Moi, je dis l'orgasme, vous dites les orgasmes. C'est en tout cas les notes que j'ai sous les yeux. Je vous poserai la question dans un instant. Tiens, pourquoi est-ce que vous dites les orgasmes ? Ne me regardez pas comme ça. Nous parlerons donc des différents types d'orgasmes, je suppose, des causes de l'anorgasmie. Ça aussi, c'est important d'en parler. Nous ferons un peu de biologie. Vous parlerez des solutions pour obtenir un orgasme. Vous donnerez aussi, Yves, des conseils aux femmes et vous direz pourquoi certaines femmes, en effet, continuent à simuler l'orgasme. 070 23 33 23, SMS 30 63. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Info et guide gratuit sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Dans mon magasin de Roycebrook, vous trouverez un choix énorme de tapis pleins. Vinyle, carpette, rideau, laminé, voilage, store et peinture. Et toujours la pose gratuite de vos tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. Moins cher, c'est illégal. Par condition en magasin. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Sylvie Honoré. Avec Yves Psalti qui reviendra donc une fois par mois. Hein, pour ceux et celles qui disent « j'ai l'impression que vous parlez de sexe tous les jours », je ne pense pas, non. Mais parfois, voilà, les personnes entendent, déforment certaines choses. Mais vous venez en général une fois par mois. Une émission donc sur l'orgasme féminin aujourd'hui. Avant de décrire l'orgasme féminin, parce que je pense que c'est prévu, hein, une petite description. Pourquoi vous intitulez cette émission « Les orgasmes féminins », vous ? Moi, je dis « l'orgasme féminin ». Parce qu'il y en a trois types différents, donc clitoris, vaginal et anal. Donc, si on prend juste donc, il y a certains qui vont sursauter de l'endroit où ils sont en disant « le vaginal n'existe pas, ce n'est pas un vaginal, c'est un clitoridien ». Donc, il y a deux mouvements, si vous voulez, deux théories qui dit que le vaginal n'existe pas. En fait, c'est donc la stimulation au niveau du clitoris qui donne le vaginal. Moi, je ne suis pas de cette mouvance, je suis de l'autre mouvance théorique qui dit qu'il y a deux types différents, puisque c'est des nerfs différents, le clitoris et le vagin, c'est des nerfs différents. Et en plus, la plupart des vaginales, ce n'est pas seulement au niveau du point G, c'est-à-dire à l'entrée du vagin, à 2 ou 3 cm du vagin, mais au fond du vagin. Alors, il faut voir, évidemment, pour pouvoir comprendre le clitoris, donc l'anatomie du clitoris. Donc la partie visible. Vous voulez un tableau ? Oui, je n'ai pas de tableau ici, on est à la radio. Donc il faut me croire. Donc je ne suis pas là à vous montrer des schémas et de faire un cours d'anatomie en vous montrant une diapositive. Donc il faut me croire sur parole. Donc il y a la partie visible qu'on appelle le gland. le gland du clitoris est l'équivalent, si vous voulez, du gland du pénis. Et puis, juste derrière, à l'intérieur, il y a le corps, qui est la suite, si vous voulez, du gland qui fait entre 1 et 3 cm. Et puis, le corps va se diviser en deux racines, on appelle, qui sont entre 5 et 7 cm. Donc, au total, un clitoris va faire, d'un bout à l'autre, 11 cm. Donc, ce n'est pas seulement la partie qu'on voit. Alors, les gens qui disent il n'y a pas d'orgasme vaginal, une fois que le pénis est pénétré dans le vagin, c'est sur les racines du clitoris qu'il y a un frottement, et ils disent que c'est ça qui fait l'orgasme. Mais on a la preuve aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui travaillent depuis plusieurs années là-dessus, que vers le fond vaginal, il y a aussi un orgasme, donc le clito, il ne va pas jusque-là. Et en plus, il y a des nerfs qui sont tout à fait différents les uns des autres, c'est ces nerfs-là qui fonctionnent en clitoridien ou en vaginal. Du point de vue scientifique, l'orgasme qui a le moins été étudié, c'est le anal. En fait, c'est pas anal, c'est rectal. Aussi bien, ça existe chez les hommes, ce genre d'orgasme. C'est le rectum qui entre en contraction avec les muscles qui sont tout autour, qui peut être aussi fort qu'un orgasme vaginal, mais qui a très très peu été étudié en sexologie clinique. Donc, il y a trois organes. C'est pour ça que j'appelle les orgasmes, d'accord, et non pas l'orgasme. Oui. Bon, je m'en doutais, mais enfin, on peut dire qu'on parle de l'orgasme ou des orgasmes. On va dire qu'on parle des orgasmes féminins aujourd'hui. Bon, posez vos questions, évidemment, puisqu'encore une fois, si on fait une émission là-dessus, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent vous voir en consultation et qui ont des soucis par rapport à ça, bien entendu, qui veulent s'en sortir. Hein. Ouais. C'est à partir du moment où on vient vous voir, c'est qu'on veut malgré tout trouver une solution. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un peu cette émission qui semble en effet que sexuelle. Pas du tout, c'est, je pense, une émission bien-être de toute façon sur la santé sexuelle. 070 23 33 23 et SMS 3063. On peut bien entendu modifier votre voix ou changer votre identité. sur Viva, une émission sur la santé sexuelle organique. On peut dire ça aujourd'hui. Psychologique aussi. Hein. Santé sexuelle, oui, santé psychologique, une bonne santé des organes sexuels, vous le dites quand même souvent, externe et interne, et leur bon fonctionnement, une réponse physique correcte, la capacité d'éprouver du plaisir, d'avoir un orgasme, la capacité reproductive. Donc voilà, ce sont toutes des choses à prendre en considération. Donc hein? La capacité d'obtenir un orgasme est là-dedans, dans la définition de santé sexuelle. Voilà, donc les gens qui n'ont pas d'orgasme, comment ils se sentent? Ben, ils disent, moi je n'ai pas de problème. Donc s'il n'y a pas souffrance, pour nous, il n'y a pas de problème. Mais pour nous autres sexologues, donc, la personne doit souffrir pour qu'il y ait un problème. Hein. Donc s'il n'y a pas de souffrance, donc la base de la sexologie, quand on demande est-ce que vous avez un problème, la personne doit souffrir. Si elle ne souffre pas, ben, ça ne veut pas dire que pour nous autres sexologues, elle n'est pas un problème. Mm-hmm. Ça s'appelle anorgasmie, des gens qui n'ont pas d'orgasme. Pour nous autres, c'est un problème. Mais pour elle, peut-être ce n'est pas un problème. Mm-hmm. Mais il faut voir pour le partenaire si c'est un problème aussi. Ou pas. Ben oui, il y a aussi la personne concernée, Nous, universellement, du point de vue sexologique, il y a un problème. Mm-hmm. Mais pour elle, peut-être pas, parce qu'il n'y a pas souffrance. D'accord. Tant mieux pour elle. 070 23 33 23, SMS 30 63. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les ingrédients. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Cette semaine dans Moustique, dossier spécial Caterpillar. Check-up économique de nos régions. Sont-elles condamnées ou en croissance? Les aides et cadeaux fiscaux aux entreprises. Le vrai et le faux. L'actu décodé, le meilleur de la culture, des tendances et de la télé, c'est dans Moustique, les taux qui piquent. Abonnez-vous maintenant et profitez de notre offre spéciale. Un an pour 79 euros seulement sur moustique.be/rentrée. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Bon, c'est bien dommage. Mais alors, en compensation, une blague idiote. Attention, quel est le métier préféré des taupes? Top modèle. Ça ne vaut pas le jackpot. Hein. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 2 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrêterai mes blagues. Là, oui. Merci, loto. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Yves Obseltzi, sexologue, auteur, conférencier, formateur en sexologie clinique. Fait chaud à l'extérieur aujourd'hui, fait chaud au niveau du thème qu'on aborde aujourd'hui aussi. Ça colle bien. Les orgasmes féminins. Voilà, c'est mieux d'en parler sous le soleil, je trouve. Oui, hein? C'est plus ça va bien ensemble. Mais on a beaucoup de messages, mais je vois que tous les messages, quasiment la majorité des messages sont des hommes qui envoient. Non, c'est même pas quasiment, c'est tous les messages d'hommes. Les femmes pour on parle de l'orgasme féminin. C'est que les hommes qui en parlent. Que les hommes qui en parlent. Pour le moment, c'est comme ça. Ouais. On change votre identité, on change votre voix et on comprend parfaitement. Je vous appellerai Alain. Bonjour, bienvenue. Allô? Allô? Allô, Alain? Par rapport à votre femme, donc Alain vous souhaite témoigner par rapport à sa femme qui ne souhaite que rarement avoir un orgasme, dit-il. En fait, le plus souvent pour lui faire plaisir, par contre elle fait tout pour qu'il en ait, lui, très souvent. Il trouve ça assez curieux, donc j'aimerais vraiment qu'on essaie de l'avoir. Voilà le genre de messages que l'on reçoit. Sinon, les autres messages, beaucoup nous parlent d'éjaculation féminine, donc de femme fontaine. Je pense qu'on devra de toute façon essayer de parler de ça aussi, puisque je pense que c'est important. Vous aviez prévu d'en parler. Manu, qui nous parle de différents orgasmes, les trois orgasmes que vous avez cités, nous dit « Ma femme pratique les trois sans complexe. Elle atteint même plusieurs fois l'orgasme et va même jusqu'à l'éjaculation. » Des personnes nous parlent de l'éjaculation féminine en vous posant des questions. Alex, le dernier, nous dit que sa copine a un orgasme hyper rapide et après que c'est terminé, au risque de le laisser sur le chemin de son orgasme personnel. Ça, je trouve que c'est un message intéressant aussi. On vous a retrouvé, monsieur Alain. Bonjour. Bonjour. Ah, voilà. Bon, donc, c'est bien ça. Votre femme ne souhaite que très rarement avoir un orgasme. En fait, le plus souvent pour vous faire plaisir. Et vous, ça vous semble curieux, quoi? Oui, ça me semble curieux parce que, bon, en fait, elle est tout à fait... Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Donc, et on ne sait pas qui vous êtes, ne vous inquiétez pas. Elle est tout à fait disposée à ce que moi, je me sens bien, si vous voulez, mais elle, ça ne l'intéresse pas, franchement pas, ou alors vraiment très rarement, et finalement, pour me faire plaisir. Donc, c'est curieux comme démarche, je dirais, ça m'étonne tout le temps. Mais quand vous lui en parlez, elle dit que elle, c'est son plaisir à elle comme ça. Oui, voilà, exactement. Okay, elle est beaucoup moins demanderesse, si vous voulez, ce genre de choses. Mmh. Alain, vous dites qu'elle vous fait plaisir, qu'elle n'est pas demanderesse, elle fait ça pour vous. Est-ce que vous, ça vous dérange? Mais ça me dérange un peu parce que je dirais que moi, on aime bien que sa femme soit bien également. Ça fait partie d'une relation sexuelle très épanouissante. Mais bon, moi, je ne peux pas lui faire le reproche qu'elle ne s'occupe pas de moi, si vous voulez. Donc, mais elle ne l'intéresse pas donc elle n'est pas portée sur la chose, mais n'empêche qu'elle est altruiste. Tout à fait. Donc vous, in fine, vous avez votre plaisir, vous avez quelque chose. Tout à fait. En fait, c'est la mauvaise personne qui nous téléphone ici. Hein. C'est elle qui devait téléphoner pour qu'on lui dise, madame, pourquoi ça ne vous intéresse pas? Est-ce que vous ne voulez pas vous investir dans la sexualité? Bon, elle le fait pour lui, c'est une bonne chose. Elle doit avoir ses raisons pour le faire. Mais quand vous lui en parlez, là, est-ce que vous évoquez ça ensemble? Bien sûr. Oui. Et elle vous dit quoi? Nous sommes un couple très communicant, donc il n'y a aucun problème de ce point de vue. Mais il y a de fortes chances. Oui, il y a de fortes chances. Bon, on ne peut pas faire un diagnostic, évidemment, au téléphone, surtout avec le rapport de quelqu'un d'autre. Mais bon, il y a de fortes chances, puisqu'on en voit comme ça. Il y a un tiers des femmes qui sont sexophobes, qui ne les intéressent pas. Et dans ces un tiers de femmes de sexophobes, il y a toute une partie qui sont asexuelles, qui refusent tout contact sexuel. Oui, c'est pas le cas. Et les sexophobes, ça ne l'intéresse pas. C'est plaisir pas pour est moi. D'ailleurs. Son plaisir, c'est pas pour moi. C'est pour ça que je l'entends. Moi, j'ai envie de le faire pour toi, pour que tu sois heureuse. À mon avis, c'est un genre de femme qui a une souffrance. Il y a deux types de souffrance. Donc, comme j'ai dit, une personne doit souffrir pour aller consulter. Il y a deux types de souffrance. Une des souffrances, ça c'est la meilleure souffrance, parce que quand elle vient avec cette souffrance, elle va bouger, elle va faire quelque chose. Dans la démarche, c'est quand la patiente, par exemple, puisqu'on parle de l'orgasme féminin, elle va venir, elle va me dire, docteur, faites quelque chose pour moi, j'ai pas d'orgasme, j'ai pas beaucoup de plaisir, qu'est-ce que je dois faire pour avoir du plaisir? Parce que j'en ai envie et ça me manque. Donc ça, c'est une souffrance. Et alors là, quand on la prend en charge, il y a de fortes chances pour qu'on réussisse le traitement qu'on va lui proposer pour pouvoir avoir beaucoup de plaisir et d'orgasme. Il y a une deuxième souffrance. Et la deuxième souffrance, c'est pour l'autre. Mon mari, il en souffre. C'est dommage à mon mari. J'ai de la pitié pour mon mari. Et bon, je vais faire des efforts pour mon mari. Et ce genre de femmes, malheureusement, ne vont pas avancer dans leur sexualité. Elles ne vont pas faire les exercices qu'on va leur donner. Elles ne sont pas curieuses pour elles-mêmes. Donc, c'est vraiment altruiste. La sexualité, c'est pour l'homme. La sexualité, ce n'est pas pour la femme. Bon, pour le faire plaisir, pour qu'il ne râle pas, pour qu'il n'aille pas voir ailleurs. Bon, allez, hop, on va faire des efforts. On n'a pas dit que c'était la femme d'Alain non plus. Non, en général. Je ne voudrais pas. J'ai bien compris. Début, il y a deux. Je ne deux, peux pas oui. faire de diagnostic sur la femme d'accord, d'Alain. Je comprends. De toute façon, je ne fais donc. Ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 9 ans que je suis là.

comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dans mon rêve en à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Jean-Jacques Goldman, en souvenir. On parle des orgasmes féminins, leur importance, bien entendu, et les problèmes qui en découlent et la souffrance générée par ces problèmes-là. Et c'est pour ça, encore une fois, que vous êtes là, Yves Psalti, pour nous parler de ces personnes, femmes ou hommes, bien sûr, qui viennent vous consulter à ce propos, femmes pour elles-mêmes, hommes pour leur compagne. Et c'est un petit peu toujours des hommes qui témoignent. Bon, beaucoup de personnes témoignent, mais peu de personnes répondent. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, on dit quand même qu'on change d'identité et la voix, bien entendu, mais peu de personnes répondent. Il y a pas mal de personnes, qui nous parlent de femmes fontaines, d'éjaculation féminine. Quelle est la différence, demande Alex, entre jouissance et orgasme? Pour nous autres, c'est la même chose. Oui, pas pour nous. Donc pour les sexologues, donc c'est en anglais c'est to come, c'est venir, jouissance, orgasme, c'est la même chose. D'accord. Donc jouissance, c'est pas la même chose que le plaisir. Jouir, c'est à la fin du plaisir de vraiment jouir, de s'éclater. C'est to come, tout venir. C'est la jouissance, c'est l'orgasme. L'éjaculation féminine est-elle synonyme d'orgasme pour la femme? Ça, on va revenir. Hein? Vous voulez qu'on en parle maintenant? Non, on peut... non, enfin, dans quelques instants. Il y a beaucoup de questions, je vois, sur les femmes fontaines, ouais, l'éjaculation féminine. Pouvez-vous expliquer le phénomène de femmes fontaines ou d'éjaculation féminine? On en parle après. Ouais. On avait aussi... Ah là, on l'a pris. Pourquoi un comportement sexuel change avec l'alcool? Voilà une bonne question. Parce qu'il y a de l'inhibition, donc surtout les gens qui sont un tout petit peu coincés avec la chose. En buvant de l'alcool, ils sont inhibés et ils se permettent de faire certaines choses beaucoup plus facilement, comme parler plus facilement, hein, comme parler de répondre aux gens, les gens qui boivent un peu, ils parlent peut-être des fois à tort et à travers, mais bon, l'inhibition en sautant, ils sont plus à l'aise là-dedans. Et il y a des forces qui inhibent la sexualité, et avec de l'alcool, donc on peut plus s'ouvrir à une sexualité, puis avoir une ouverture à la sexualité et être prêt pour un désir sexuel. Comment différencier sexophobe et la peur de se laisser aller, de s'ouvrir? Donc sexophobe, je suis le propriétaire du néologisme du sexophile et du sexophobe. C'est moi qui ai inventé ces mots il y a déjà plusieurs années. Donc sexophile, c'est celui qui aime le sexe. Alors sexophobe, c'est le contraire de sexophile. dans le sens que n'aime pas. Ce n'est pas forcément celui qui a peur, oui, ce n'est pas forcément celui qui a une aversion, mais tout ça rentre là-dedans. C'est celui qui n'aime pas la sexualité, c'est celui qui ne s'investit pas à la sexualité. Pourquoi ? Parce que ça ne l'intéresse pas, ça ne fait pas partie de leur vie. Un tiers des gens sont sexophobes. Dans ce un tiers, on estime qu'il y a 25% de femmes et 8% d'hommes qui sont sexophobes. Ça ne les intéresse pas. La sexualité ne fait pas partie de leur vie. Et dans cela, dans les sexophobes, il y aura toute une partie qui va être asexuelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune relation sexuelle et aucune forme d'activité sexuelle, ni masturbation, ni fantasme. D'accord. Donc il y a trois activités sexuelles, le rapport sexuel, la masturbation et les fantasmes. Donc les gens qui n'ont aucune activité sexuelle, ce sont les vrais, vrais asexuels. Bien. Et on estime qu'il y a 2% de la population qui est asexuelle. Les orgasmes féminins, c'est notre thème donc d'aujourd'hui. Tant que vous êtes là, parce qu'après je vais oublier, dire quand même que vous ferez partie de l'équipage de la croisière 2017. Hein, la croisière La Vie du Bon Côté, vous ne le saviez pas. Tiens, je si le vous savais le savez. Pas. Oui, donc voilà. Donc, et encore une fois, quand vous serez sur le bateau, on parlera vraiment de plus de thérapie conjugale. Hein. C'est ça. Là, voilà. Je vais moins sexe, mais plus la conjugalité. Oui. Conjugalité. En public, mais on pourra toujours vous voir. En oui, disant, bon, on monsieur est sur le Yves, bateau pendant bah oui, une semaine. On vit ensemble pendant une semaine, vous imaginez. Donc, Yves Psalti sera un des quatre conférenciers invités lors de la croisière sur la vallée du Douro au Portugal. Dans la vallée du Douro au Portugal, ce sera en avril prochain, du 14 au 21 avril. Donc, vous pouvez déjà nous envoyer, bien entendu, des emails, des messages pour qu'on vous envoie le programme. Parce qu'on ne fait que commencer à en parler, mais il y a déjà des inscriptions. Donc, voilà, il ne faut pas tarder. Faut pas tarder. Une fois que le bateau est plein, on peut pas grandir les murs. Et puis j'en profite aussi pour vous reparler si vous ne souhaitez pas venir avec nous en croisière ou en week-end en baie de Somme, qu'il y a toujours aussi la façon de nous rejoindre lors de deux journées au profit de Cap 48 que nous organisons à Mons et à Liège. Le 30 septembre, c'est un vendredi à Mons, atelier avec petit déjeuner, avec verre de clôture et avec repas du midi et avec l'émission en direct. Et le 6 octobre à Liège, ce sera une soirée conférence avec aussi la possibilité en plus de voir une superbe exposition au musée de la Bovrie, un concert, à manger et à boire. Voilà, au profit de Cap 48, 48 euros, parce qu'il fallait mettre un prix. Donc 48 euros, envoyez-nous un email, laviedubonconte@rtbf.be, via le téléphone 070 23 33 23, mais pendant l'émission, via les SMS 30 63. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur fif.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît ? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Leçon numéro 9 du Kamasutra. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud et investir quand le prix du mazout est avantageux. Maintenant donc, une décision intelligente qui le sera encore plus si vous choisissez d'investir dans une chaudière super économe. Le mazout, c'est la chaleur idéale. Car investir aujourd'hui dans une chaudière au mazout super économe, c'est profiter demain d'un rendement encore meilleur. Plus d'infos sur infomazout.be. Mazout, chaleur innovante, chaleur rassurante. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. La 2, en télé. Rentrez en rire et en fanfare avec une équipe survitaminée. Bonjour Madame Milquet. Bonjour Monsieur Le Borgne. Les fripouilles ont pris le pouvoir. Ne manquez pas la rentrée du Grand Cactus ce jeudi sur la 2. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Vous aimez nos émissions d'humour du dimanche matin, à savoir les enfants de cœur. Sachez que Jean-Jacques Brunin et ses enfants de cœur vous fixent rendez-vous chaque dimanche matin de entre 9h et 10h30 pour de grands éclats de rire. Et si vous souhaitez participer aux prochains enregistrements de l'émission, parce que oui, l'émission s'enregistre en public, ce sera à Momigny, avisé à Comines pour les premières dates de la rentrée. Rendez-vous sur notre site internet www.vivacité.be pour y trouver toutes les précisions et le comment il faut s'inscrire pour assister à ces enregistrements-là. Nous parlons des orgasmes féminins aujourd'hui avec Yves Psalti, 070 23 33 23 SMS 30 63 via l'email lavidubonkote@rtbf.be. Juste le temps d'écouter le nouveau Sting, tiens, que voici. Mais derrière ça, on entend quand même « I send an SOS to the world hein ». Ah, il y a quand même un petit peu de l'avant dans l'aujourd'hui. Ah oui, mais on ne sait pas tout à fait sortir de sa griffe. Enfin, moi, je trouve que ça ressemble. Mais c'est bien. Voilà, Sting, Survivra. Dans quelques instants, on continue la papote avec Yves Psalti autour des orgasmes féminins. À vous de témoigner, à vous d'intervenir. 070 23 33 23 SMS 30 63. Viva Bruxelles et la 2 présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Vive Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vivacité présente. Pierre Collard-Bovy, comment ça se passe sur les routes? Eh bien, vous perdez 3 jours sur le 411 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur le 42. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Bon, c'est bien dommage. Mais alors, en compensation, une blague idiote. Attention, quel est le métier préféré des taupes? Top modèle. Ça ne vaut pas le jackpot. Hein. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 2 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrêterai mes blagues. Là, oui. Merci, loto. Bon après-midi, il est 14h. Justine Hermans aux commandes de ce flash. Bonjour Justine. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Une perquisition a été menée à Laeken dans un dossier antiterrorisme dans la nuit de dimanche à lundi. Le parquet fédéral le confirme. La perquisition concernait le dossier d'un combattant qui serait toujours en Syrie ou en serait revenu. Les résultats de cette perquisition n'ont par contre pas été communiqués. Il n'y a pas eu d'interpellation. Et d'après le quotidien La Dernière Heure, Oussama Attar, le cerveau présumé des attentats de Bruxelles, aurait été la cible de la perquisition. Il est le cousin des frères El Bakraoui, les deux kamikazes qui se sont fait exploser le 22 mars dernier à l'aéroport de Bruxelles et à la station de métro Malbec. En France, une personne a perdu la vie et 4 sont gravement blessés après un accident sur le plus gros paquebot du monde, le Harmony of the Seas, à Marseille. Ces personnes se trouvaient à bord d'un canot de sauvetage. Le paquebot faisait escale dans le port méditerranéen. Un autre drame aux États-Unis, 9 personnes sont mortes dans l'incendie d'une maison, 6 enfants font partie des victimes. La maison a pris feu et les occupants n'ont pas pu sortir à temps, les portes et les fenêtres de leur logement étaient hyper sécurisées. Cela s'est passé à Memphis, dans le Tennessee. Aux Jeux paralympiques de Rio, peut-être une nouvelle chance de médaille belge dans 1h30 environ. Peter Genaïn participe à la finale du 100 mètres en fauteuil roulant, ça sera un peu après 15h30 heure belge. En tennis, en fauteuil roulant toujours, Joachim Girard poursuit son chemin au jeu. Aujourd'hui, il joue le quart de finale face au japonais Shingo Kunieda. C'est un sacré adversaire puisqu'il est le double champion paralympique de la discipline. La rencontre est prévue à 17h, heure belge. Vous regardiez peut-être le petit journal de Canal+, la saison dernière. Le présentateur vedette a changé à la rentrée. Ce n'est plus Yann Barthès, mais Cyril Eldin, un autre style. Yann Barthès, lui, est parti à la concurrence sur TMC, une des chaînes de TF1, avec un nouveau projet quotidien, très semblable au petit journal. L'émission faisait sa rentrée hier et c'est un carton pour une première. Yann Barthès et son équipe ont rassemblé plus d'un million de téléspectateurs, presque aussi bien que l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Un record, un nouveau record de chaleur. Le mois dernier, le mois d'août, a été le plus chaud depuis 136 ans, selon les relevés de la NASA. Ce nouveau record poursuit une série de records mensuels entamés en octobre de l'année dernière, soit depuis 11 mois consécutifs. La météo, le mercure atteindra par endroits jusqu'à 32 degrés cet après-midi. Il fera plus doux en Haute-Fagne, 27 degrés. Et à l'ouest, quelques nuages viendront ponctuer le ciel bleu. Et tout de suite, un point sur vos conditions de circulation. Et des ralentissements dans le chantier de Cherat, un peu comme hier, ça coince principalement vers l'Allemagne sur le 40. Vous perdez une trentaine de minutes avec des files sur 6 km. Véhicule en panne sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne. La voie de droite est neutralisée en direction de Bruxelles. Des ralentissements aussi sur le ring de la capitale, ça commence en extérieur entre Woluwe-Saint-Etienne et Diguem, ainsi qu'à hauteur de Wemel vers Grand-Bigard. Circulation intérieure entre Grand-Bigard et Zélic vers Vilvorde. Vous freinez également dans le centre-ville de Bruxelles entre les tunnels Botanique et Rogier vers la Basilique. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et vous retrouvez Sylvie Honoré sur Vivacité pour la vie du bon côté. Merci Justine, l'info revient à 15h. Viva. opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. C'est la dernière étape en ce qui concerne le beau vélo de Ravel, ce dimanche, à l'Atomium. Le beau vélo de Ravel, voilà. Comme chaque année, à la même période, la semaine de la mobilité se déroule dans toute l'Europe et en Wallonie, tous ensemble avec de petits gestes et de bonnes habitudes. Nous pouvons contribuer à une mobilité plus douce. Le slogan 2016, c'est « Partager la route, on s'y met tous ». Un appel à sortir de nos habitudes. En quelque sorte, Alice Gobier du SPW nous en parle au micro d'Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour à toutes et à tous. Pour la dernière fois cet été, j'accueille Alice Gobier du service public de Wallonie. Alice, bonjour. Bonjour Adrien. Vous préparez, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, la semaine de la mobilité en Wallonie. Ça commencera ce week-end. Et oui, chaque année, la Wallonie s'inscrit dans la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre. Donc la semaine prochaine, on va tous vous inciter à essayer de remplacer votre chère voiture par un peu plus de marche à pied, par un tour en vélo ou par du covoiturage. Parce que voilà, ça devient plus qu'essentiel qu'on agisse tous en faveur d'une mobilité plus respectueuse, une mobilité plus durable et plus efficace. C'est clair qu'on ne vous demande pas de revendre votre voiture, pas quoi que, mais plutôt de revoir votre manière de vous déplacer. Pourquoi, par exemple, ne pas essayer, si ce n'est pas trop loin, d'aller en vélo jusqu'à votre lieu de travail, genre une fois par semaine, plutôt que d'aller vous enfermer ce soir-là dans une salle de sport. Ou alors peut-être de voir si vous pouvez faire du covoiturage avec un de vos voisins pour aller chercher vos enfants à l'école. Ce serait vraiment une belle manière d'éviter de subir nos éternels bouchons pour lesquels nous sommes très célèbres en Europe. Oui, oui, c'est vrai. Cette année, la nouveauté, c'est vraiment d'insister sur la convivialité et sur le partage de la route. Oui, donc pour 2016, on a décidé de mettre le focus sur la mobilité partagée sous le slogan « Partageons la route, on s'y met tous ». Nous voulons surtout mettre en valeur le réseau des parkings de covoiturage qui existent en Wallonie. Ce sont des parkings qui se situent le long des grands axes routiers qui sont aménagés pour que vous puissiez laisser votre voiture et faire du covoiturage avec quelqu'un. Alors si vous souhaitez vous renseigner sur les actions de mobilité qui se passent dans votre commune ou que vous-même vous voulez des idées, des conseils pour faire des actions mobilité, eh bien un seul site internet, mobilité.wallonie.be. La semaine de la mobilité, ce n'est pas juste une semaine pendant laquelle les gens font l'effort de se passer leur voiture, c'est de mettre en valeur pendant une semaine les actions et les solutions qui peuvent être utilisées toute l'année et surtout abandonner l'autosolisme. Oui, pas mal, pas mal. C'est la semaine européenne de la mobilité à laquelle nous participons. Évidemment, ce sera encore le cas ce dimanche, avec le dimanche sans voiture à Bruxelles. Vous y serez en sort de Wallonie, mais bon, c'est l'occasion de clôturer la semaine et toute la saison, Alice. Tout à fait, je serai bien présente. Dimanche, au pied de l'Atomium à Bruxelles, avec entre autres Magic System. Et si vous voulez plus d'informations, allez sur le site de vivacité.be. C'est la dernière, hein, donc vraiment, on compte sur vous pour participer à ce dimanche sans voiture. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Yves Psalti, vous avez donc changé de site internet sexualitépositive.com. C'est votre nouveau site que je vais mettre sur la page Facebook de l'émission. Oui. Bien. Ben, au moins, ça dit ce que ça dit. Oui, ça... Donc, comme je suis un théoricien un peu de la sexualité, je parle plus de la sexualité positive. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon nouveau site Sexualité Positive. Parfait, parfait, parfait. Nous avons et pas couple mal... épanoui, bien évidemment. Hein. Couple épanoui. Donc ça, c'est plus... Pour le Facebook, ça va plus parler de couple épanoui. Et dans le site, ça va plus parler de sexualité positive. Les orgasmes féminins, donc voilà, on en parle depuis 13 heures. Ça y est, ça commence à plus venir au niveau de les témoignages, bien entendu. Les causes de l'anorgasmie, on n'en a pas encore parlé. Hein, non, vraiment. On n'a pas parlé. Les solutions pour obtenir un orgasme. Non plus. Non plus. Conseils aux femmes. Non plus. Pourquoi certaines femmes simulent l'orgasme? Non plus. Bon, bah, il reste du pain sur la planche. Hein, ah oui, je pense que... Oui, en plus, il y a de très bonnes questions ici auxquelles je voudrais répondre, mais bon. Pas de problème. Il y a dans j'espère qu'on aura le temps. Je vous en ai lu hors antenne, il y en a d'autres qui sont arrivés depuis. Message anonyme, quelqu'un qui nous dit « J'ai de plus en plus de mal à faire l'amour avec mon amoureux. Et quand on le fait, je ne ressens plus rien et c'est normal. » Ça, c'est le genre de questions. Autre message, ma fille fille à 14 mois, Sylvie, je ressens toujours des douleurs lors des rapports, donc notre activité sexuelle s'en ressent. Et puis autre question de Chris au féminin, pourquoi dans une relation toujours vouloir un orgasme partagé? Nous les femmes travaillons, avons parfois juste envie d'un quickie et pas du repas trop servi systématiquement. Plaisir ne rime pas obligatoirement avec orgasme, surtout quand on est lente à monter et à l'atteindre. C'est une question de temps et fatigue. Voilà, pas juste d'envie, mais le plaisir d'une relation malgré tout. Vous comprenez ça, vous, oui, l'homme? Je comprends, il y a des gens qui veulent du quickie, il y a des gens un jour quickie, un autre jour quelque chose un peu plus élaboré. Oui, tant qu'on y est. Un peu plus festif, ben ça dépend du personne. Varions les plaisirs. Voilà. Voilà. Sinon, ça devient monotone. 070 23 33 23, SMS 30 63. Donc, vous tous qui nous avez envoyé un message depuis 14h, on va essayer, bien entendu, de faire sonner le téléphone chez vous. On peut changer votre identité, promis. On peut changer votre voix, promis. Personne ne vous reconnaîtra. Mais vous avez quelque chose à dire, donc dites-le. Et le lac se dessine. Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimais sur les bords. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Du lac, si ça peut être bénéfique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est Julien adoré quand on parlait de varier les plaisirs, varier les décors aussi. Pourquoi pas? Pourquoi ça fait du bien. Donc, il faut sortir de la monotonie. Les gens, la première plainte des gens, c'est toujours la même chose. C'est monotone. Surtout les femmes. Les femmes se plaignent beaucoup de monotonie. Mmh. Les hommes, je ne dis pas que tous, mais la plupart des hommes sont capables de faire tous les jours la même chose. Hein. Ah ben, en parlant de ça, une personne qui désire rester anonyme, qui ne souhaite pas passer à l'antenne, elle nous dit mariée Sylvie depuis 40 ans. Mariée eux, hein, depuis 40 ans. Je n'ai jamais connu l'orgasme avec mon époux. Depuis 2 ans, je ne me laisse plus faire, car pour moi, c'est de sa faute. Car oui, j'ai eu une aventure ultra-conjugale et cela me complète bonheur. Et je me dis pourquoi lui, il aurait du plaisir et pas moi. Donc elle a varié le décor. Elle a varié le décor. Un peu plus que le décor, là. On n'a pas à la juger, donc si elle a trouvé son bonheur comme ça... Donc elle, apparemment, pas d'orgasme avec son époux et depuis 2 ans... Voir si lui il est défaillant, si lui ne sait pas comment s'y prendre, tout ça. Absolument, donc on n'a qu'un son de cloche, comme on dit. Ouais. Dans quelques instants, c'est Stéphane qu'on aura au bout du fil. Et puis je vous lirai d'autres messages de personnes qui ne souhaitent pas témoigner, mais qui ont vraiment un bon avis sur la question. On parlera aussi des causes de l'anorgasmie. Hein. Okay. Ça, il faut absolument qu'on en parle. 070 23 33 23, SMS 3063. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Viva Bruxelles présente les Nocturnes des musées bruxellois. C'est reparti. Chaque jeudi soir jusqu'au 8 décembre, au moins 5 musées bruxellois vous ouvrent leurs portes avec un tas d'animations. Rendez-vous le jeudi 15 septembre pour le grand vernissage gratuit et le village des musées, rue américaine à Saint-Gilles. Info nocturnedesmuseesbruxellois.be. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Info et guide gratuit sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spa6hours.com. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct, direct, direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Et hop, voilà, c'est parti. Votre tout nouveau site internet, Yves Psalti, est sur la page Facebook sexualitépositive.com. Et donc, des personnes viennent nous dire, on a bien entendu, Sylvie, Yves Psalti fera bien partie de la croisière 2017. Oui. Oui, il changera pas d'avis. Voilà, non, il changera pas d'avis. Il a déposé, voilà, on l'a fait signer pour être certain de l'avoir avec nous. L'année dernière, on voulait déjà vous avoir, mais ça ne vous arrangeait pas, vous aviez autre chose. Donc cette année-ci, oui, vous serez sur le bateau dans la vallée du Douro au Portugal du 14 au 21 avril pour faire donc des ateliers sur plus la thérapie de couple. Voilà, et vous serez notamment avec Julie Arcoulin qui organise, elle aussi, elle fera partie de la croisière qui organise avec moi ces 2 journées d'ateliers, d'attitudes positives. Voilà, les 30 septembre à Mons et les 6 octobre à Liège. Il reste de la place. Vous pouvez évidemment vous inscrire. Attention, il ne reste vraiment pas beaucoup de temps jusqu'au 30 septembre et jusqu'au 6 octobre. Bon, nous parlons en effet aujourd'hui des orgasmes féminins. On parlera des causes de l'anorgasmie dans quelques instants, mais on voudrait vous entendre. Stéphane, bonjour, bienvenue. Bonjour. Suite à un cancer, vous n'avez plus de pénétration donc avec votre compagne depuis plus de 20 ans. Voilà. La seule manière par laquelle vous arrivez à lui provoquer un orgasme est le cunnilingus. Or, jusqu'à plus ou moins vos 45 ans, son orgasme se traduisait par des spasmes et vous ne pouviez plus la toucher, dites-vous Stéphane. Exactement. Donc ça a écarté un peu. Allez-y. Une éjaculation, un écoulement de liquide très très abondant. Et donc là, moi je peux continuer. Bonjour Stéphane, elle a eu quel type de cancer? Elle a eu cancer du côlon avec une hystérectomie totale, j'arrive pas à le dire. Hystérectomie totale, oui. Voilà, hystérectomie totale. Et donc, suite aussi au traitement, elle a subi des rayons qui ont au niveau du vagin un peu nécrosé, je veux dire, le vagin, donc on n'a plus de pénétration. Oui. Donc effectivement, quand il y a ce genre de maladie assez grave qui se situe au niveau du petit bassin, toute forme de pathologie peut y arriver. Justement, il peut y avoir beaucoup de femmes. Donc la première cause d'anorgasmique organique, c'est dans la maladie grave et avec certains médicaments, tout ça. Mais ici, avec un cancer qui touche justement la partie génitale. Même si le côlon, ce n'est pas génital, ce qu'il faut savoir que au niveau du côlon, il y a des nerfs qui sont accolés. Ces nerfs vont arriver du côté du vagin, de l'ovaire, de l'utérus, et qui peuvent justement abîmer, si vous voulez, la sphère génitale et donc être nocif pour la sexualité. Mais n'empêche que, apparemment, si je comprends bien, tout n'est pas perdu chez vous, parce qu'encore il y a une certaine ouverture sur la sexualité. Donc il y a une sexualité qui continue. Évidemment, au niveau plus clitoridien, avec disons, vous dites avec un cunnilingus, donc pour elle, disons, c'est pas mal. Mais apparemment, vous vous plaignez parce qu'il n'y a pas de pénétration, c'est ça? Votre plainte à vous, c'est quoi? À vous, parce que vous parlez de sa plainte à elle, mais à vous, c'est quoi? Ah non, c'est pas vraiment une plainte, c'est juste parce que vous parliez de différents organes, oui. les trois organes, le clitoridien, le vaginal et l'anal. Oui. Mais je voudrais savoir si dans le clitoridien, il peut y avoir aussi différents organes. Donc, jusqu'à 3-4 ans, ça se manifestait par un espace très très fort, qui lui donnait beaucoup de plaisir, mais je ne pouvais plus après la toucher. Oui. Et maintenant, depuis 3-4 ans, je ne sais pas pourquoi non plus ce changement. Voilà. Maintenant, c'est une femme fontaine, quoi. Donc, apparemment, non, c'est une femme fontaine aussi, c'est pas depuis le début, c'est des choses qui changent parce qu'on va érotiser différentes parties de son corps et c'est dû à ça. Ici, donc, une partie qui ne fonctionne pas chez elle, donc elle va essayer d'érotiser une autre partie pour que ce soit fonctionnel. Donc, c'est une évolution, pas seulement chez les personnes malades, mais les personnes non malades aussi, qui sont en très très bonne santé, peuvent évoluer leur sexualité et avoir des orgasmes différents pendant toute leur vie et perdre des fois certaines sensations, sans y avoir de pathologie. Donc il ne faut pas s'étonner ici. C'est un cas un peu plus précis. Ouais. Il faut voir avec le gynécologue, qu'est-ce qu'il a touché, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, où sont les muscles, donc les muscles qui entourent, les muscles releveurs de l'anus, tout ça, dans quel état ils sont, qu'est-ce qui se passe. C'est plus, très difficile. Plus précis, plus médical. Et encore, un gynéco peut-être ne saura pas répondre. Ce n'est pas évident. 70 23 33 23 et SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir donc sur le sujet d'aujourd'hui. I Et Rihanna sur Vivacité dans la vie du bon côté avec Yves Psalti qui revient donc en force dans ces émissions consacrées au sexe une fois par mois. Encore une fois, on dit ça pour ceux et celles qui ont l'habitude d'entendre du sexe tous les jours. C'est une fois par mois. Parfois, il y en a, voilà, il y a des personnes qui viennent un peu plus, enfin, en plus de vous, parce qu'ils ont écrit des choses, parce qu'ils font des ateliers sur la chose. Voilà. Donc, on varie un petit peu aussi les invités par rapport à ça. Vous êtes sexologue, auteur, conférencier, formateur en sexologie clinique. Vous serez sur la croisière, notre croisière 2017 au Portugal, dans la vallée du Douro, du 14 au 21 avril. On va enfin vous voir, voilà. Vous voir de vrai, en vrai. Ah oui, mais et on vous voit aussi tous les mercredis maintenant chez Sarah. Non, tous les deux mercredis. Donc demain de 6h30 à 7h, ouais, sur la une, la RTB. C'est un mercredi sur deux alors. C'est un mercredi sur deux environ. Et demain, ça va être sur le baiser. Le baiser. Quand on s'embrasse. Vous allez parler du baiser. Du baiser. Et rien d'autre. Ah non, je ne crois pas. Ah oui, c'est très intéressant. Vous allez voir. Si vous êtes lève-tôt, bon, d'accord. Réveillez-vous demain, allumez la télé, en 6h30 à 7h, vous allez voir, ça va être intéressant. Vous parlez du baiser, bon, d'accord. Du baiser. Dans quelques instants, c'est Marie qui s'exprime sur le sujet d'aujourd'hui. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment, on part 3 semaines, 3000 euros. Mais qu'est-ce que tu attends, mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins, à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Cette semaine dans Moustique, dossier spécial Caterpillar. Check-up économique de nos régions. Sont-elles condamnées ou en croissance? Les aides et cadeaux fiscaux aux entreprises. Le vrai et le faux. L'actu décodé, le meilleur de la culture, des tendances et de la télé, c'est dans Moustique, les dos qui piquent. Abonnez-vous maintenant et profitez de notre offre spéciale. Un an pour 79 euros seulement sur moustique.be/rentrée. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat Ateca. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordel à Schaerbeek pour la fête des familles. À l'initiative de la commune de Schaerbeek et du gouvernement francophone bruxellois. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Yves Pselti, je vous lis quelques messages arrivant maintenant. Maria de Gauzé nous dit « Moi, avec mon compagnon Sylvie, depuis 2 ans, je suis épanouie sexuellement, car ce n'est jamais 2 fois la même chose. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'être une femme à part entière. » Autre message qui n'est pas signé. « Je reste anonyme, sinon aïe aïe aïe, la famille, la belle famille qui vont m'entendre, Sylvie. Mesdames, faites l'amour, aimez-vous, aimez-le, vivez à fond, c'est bon moment. Pour moi, ma dynamique, mon humeur, tout s'en ressent positivement, sans voyant l'air. C'est génial et je suis sûre que c'est bon pour la santé. » C'est bon pour la santé? C'est la sexualité positive. Oui, il a dit oui. Marie, bonjour. Bienvenue. Oui. Merci bonjour. D'intervenir aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on va revenir un petit peu sur le phénomène biologique. Hein. Vous mettez dans votre message, en effet, que Yves Pselti a parlé des nerfs qui n'étaient pas les mêmes entre l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien. Lors de vos relations, votre mari aime, et vous aussi, je suppose que vous jouissiez ensemble. Tous les deux, au même moment, Marie. Jusque-là, bien, bien, bien. Mais pour y arriver, vous devez, à mon avis, comme beaucoup de femmes... Qu'est-ce que vous devez faire? À mon avis, comme beaucoup de femmes, Marie... Qu'est-ce que vous faites? C'est rassurant de savoir qu'il y a beaucoup de femmes... qui se massent le clitoris. On doit masser le clitoris. Ouais. Et alors? Jusque-là, ça va. Ça pose problème, ça? Jusque-là, non. Ah! Mais, l'autre question, Mais, Marie... Mais il y a une autre façon d'y arriver. Donc ça, c'est la meilleure façon d'y arriver. Donc il y a d'autres façons. Donc se masser le clitoris avec votre main. Donc il y a une position qui est l'andromaque. C'est-à-dire vous chevauchez le mari, vous êtes au-dessus. Et votre pubis, son pubis va aller coller sur votre clitoris. Et vous devez bouger le bassin et vous pouvez y arriver comme ça. Mais la meilleure façon, il n'y a qu'une seule façon. Donc quand on n'est pas clitoridienne directement. Hein, donc si, quand on n'est pas vaginal directement. La meilleure façon, c'est de se prendre le clito. Alors évidemment, nous, dans les consultations, on parle énormément de ça parce que les femmes disent « Oui, mais lui, il vient et moi, je n'arrive pas à vous dire. » Alors la question qu'on pose à la femme « Oui, mais quand vous êtes seule pendant une séance de masturbation, est-ce que vous arrivez à jouir ?» Évidemment, mais pourquoi vous n'arrivez pas à jouir quand vous êtes avec votre homme ?« Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à jouir. » Bien, alors la question que je te pose, vous n'avez pas un clito, madame ? Si, et il est à qui le clito? Il est à monsieur ou il est à vous? Il est à vous, madame. Vous êtes responsable de votre clito. Le clito vous appartient, c'est vous qui prenez le clito. Ah ben, si lui sait faire, tant mieux, mais vous êtes le responsable. Donc, premier message à passer aux femmes, c'est vous êtes responsable de votre clito et vous prenez votre clito. Alors, évidemment, les messieurs, ils sont là. Oui, mais docteur, moi, je sers à quoi? Donc, ils sont complexés. Alors, évidemment, il faut une éducation à la femme de dire « T'es responsable de ton clito, tu prends ton clito » et se retourner aux hommes de dire « Mon cher monsieur, toi tu lui donnes du plaisir, tu la pénètres, tout ça, laisse son clito à elle. » Donc si tu sais le faire, tu le fais, mais pour pouvoir jouir, laisse son clito à elle. Donc justement, et puis je vais les titiller un peu, quand madame te le fait à toi avec les mains, à chaque fois tu arrives à jouir, alors là, peut-être pas, ben elle non plus. Hein. C'est quand toi tu le fais, peut-être qu'elle ne va pas jouir. Donc il n'y a pas de poids de mesure, chacun est responsable. Si dans un jeu vous le faites, tant mieux, on le fait l'un à l'autre, mais si en plus il veut qu'elle jouisse, eh bien, si la seule façon de jouir pour elle, c'est elle doit se prendre son clito, bravo, j'applaudis à deux mains. Mesdames, vous êtes responsables. Ça vous rassure, de votre clito. Marie ? Ça vous rassure ? Oui, tout à fait, oui. Bon, ne ben cherchez pas d'autres méthodes, puisque vous en avez une méthode qui fonctionne très bien. Aller dans la paix, le bonheur sexuel avec cette... Amen. Voilà, cette certitude. Voilà. Annoncé par un sexologue, un professionnel. Bon, les causes de l'anorgasmie. J'ai vraiment peur de ne pas y arriver. D'en parler. Oui, d'en parler. Bon, les causes de l'anorgasmie. On a parlé un peu des causes organiques, donc les problèmes que les gens peuvent avoir. C'est surtout aussi le trouble de l'excitation. Donc l'excitation, c'est des degrés de l'excitation. En haut de l'excitation, il a l'orgasme. Mais si en bas, il n'y a rien, si la personne n'arrive pas à entrer dans la sexualité, elle n'a pas suffisamment d'excitation, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne va pas marcher dans l'excitation ? C'est soit celui qui donne de l'excitation n'y arrive pas, mais dans la majorité des cas, c'est la personne elle-même qui n'a pas érotisé son corps. Donc, en sexualité, on travaille énormément sur deux choses, sur érotisation de soi. On apprend aux gens à érotiser son corps, c'est-à-dire à s'entraîner, à entraîner le corps pour pouvoir sentir quelque chose. Et chez les femmes, il y a un deuxième domaine sur lequel on doit énormément insister. Donc, érotisation du corps. Et le deuxième, c'est image corporelle. Mmh. Une femme qui a une mauvaise image corporelle ne rentre pas dans la sexualité. Il n'y a pas de lâcher prise. Donc, la raison pour laquelle donc, elle ne va pas arriver, il n'y a pas d'excitation suffisamment, même s'il y a de l'excitation, si elle a une mauvaise image corporelle d'elle-même, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il n'y aura pas lâcher prise, donc elle ne va pas y arriver. Alors, évidemment, à côté de ça, il y a aussi les troubles de l'apprentissage. Anorgasmie, la majorité des femmes anorgasmiques. Donc, attention, donc, je dois bien dire, il y a des femmes qui disent « je suis anorgasmique », mais elles ont un orgasme clitoridien. Pour nous, il ne s'agit pas du tout d'anorgasmique. On leur dit « Madame, vous êtes orgasmique, hein, donc ne vous en faites pas, vous êtes orgasmique ». Alors, il y a l'apprentissage, et dans les causes d'anorgasmie, la première des choses, ce sont des femmes qui ne se masturbent pas, qui ne se sont jamais masturbées. Donc c'est pour ça, dans l'éducation sexuelle, même chez les jeunes, la première des choses qu'on va apprendre, c'est l'auto-satisfaction, donc la masturbation. Donc apprendre à son corps à réagir pour pouvoir le montrer à quelqu'un d'autre, à un autre partenaire. Donc toutes les femmes qui ne se masturbent pas ont énormément de problèmes d'excitation et énormément. Évidemment, maintenant j'aurai toujours des messages. Moi, je ne me suis jamais masturbé, mais moi, chez moi, ça fonctionne très très bien. À chaque fois, je reçois des messages comme ça. Mais c'est rarissime. Donc de dire, vous n'êtes pas le cas qu'on rencontre le plus, c'est rarissime. Et chaque fois, j'insiste. Chaque fois que je vois des messages, sur l'antenne aussi, on a eu des... Donc, oui. 10 ans, je n'ai pas fait l'amour, je ne me suis pas masturbé, l'homme est venu et craque et ça marche toujours. Et ça marche toujours. Oui. Et donc, de dire que c'est des trucs rarissimes, il ne faut pas attendre 10 ans sans rien faire parce que la machine se rouille. Voilà, ça c'est dit. 070 23 33 23 SMS 3063, vous pourrez toujours écouter l'émission si vous la prenez en cours de route parce qu'il est comme ça depuis le début. Yves Psalti, notre invité. Quoi de neuf, ce soir je suis sur la lune. Allô la terre, est-ce que tu me reçois ? Quoi de neuf, ce soir je danse sur les dunes. En plein désert, les mirages font la loi. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler. Pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Que mes démons se réveillent et se mettent à danser. Oh, oh, oh, en musique tout paraît plus beau. fusée. Quoi de neuf, j'ai déjà tout misé. Mes démons se réveillent et se mettent à danser. Des messages anonymes, des messages de personnes qui ne souhaitent pas prendre la parole, genre pourquoi je ne ressens plus rien quand je fais l'amour avec mon amoureux, lui a toujours un orgasme sauf moi, pourtant je l'aime. Alors, comme je ne l'ai pas en face de moi, j'ai des questions à lui poser. Une femme, pour faire l'amour avec quelqu'un et pour avoir du plaisir avec quelqu'un, ne doit pas absolument l'aimer. Ce n'est pas aimer qu'une femme a besoin. Une femme a besoin d'autre chose. Si cette autre chose n'est pas là, la femme ne s'éclate pas avec cet homme-là et la femme ne jouit pas avec cet homme-là et la femme n'a pas de désir. C'est cette autre chose qui est importante, beaucoup plus que l'amour. Ça fait 10 ans qu'on le dit, 9 ans qu'on le répète. 7 ans, hein, vous avez l'impression que je fais des émissions depuis 10 ans. C'est la 7e année qui commence. C'est la 7e année qui commence. Vous pensez que c'était 10 ans, vous? En 2007, je pense que je suis déjà venu ici. Non. Vous n'étiez pas avec moi, en tout cas. Ah, c'était pas avec vous, alors. donc, il y a cette autre chose qui est très importante. C'est ça que j'aurais pu lui demander. Est-ce que ça existe? Cette autre chose pour laquelle une femme a besoin. Et c'est universel. Quasiment toutes les femmes sont comme ça. Donc, c'est incompréhensible pour les hommes parce que les hommes n'ont pas besoin d'avoir ça pour pouvoir faire de l'amour à une femme. Le « ça », c'est l'admiration. Une femme, pour coucher avec un homme, doit l'admirer. Le jour où elle n'admire pas, elle ne couche pas, elle n'est pas excitée, elle est capable de ne pas venir. Et alors, à la question, donc si je l'avais au bout du fil, cette dame-là, de lui poser la question, elle demande pourquoi je l'aime et je ne jouis pas, j'aurais pu lui poser la question, est-ce que encore vous l'admirez ou pas? Parce que vraiment, un des moteurs de la sexualité pour la femme, c'est l'admiration. Un homme n'a pas besoin d'admirer une femme pour pouvoir coucher, mais une femme a besoin d'admirer plus que aimer. Ça, je le dis et je le répète. Vous êtes en forme, hein? Pouvez-vous donner, monsieur Psalti, des exercices à faire pour mieux stimuler le désir sexuel d'une part et atteindre l'orgasme d'autre part? Masturbez-vous. Je me dis, à mon avis, ça me tient qu'en un mot. C'est ça. Trois fois, je répète la même chose. C'est ça. 070 23 33 23 et SMS 30 63. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça, c'est quoi, ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc-là, là, c'est ça? L'écran de la caméra top vue. Ah oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Bah, activer le frein à main électrique. Et celui-là, là, c'est... Bah, ça, c'est mon bouton de manchette. C'est un bouton de manchette. Ah, bien sûr, évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Vous êtes marcheur, vététiste ou coureur à pied? Vivacité présente le 5e Éco-Trail de Bruxelles. Une course 100% nature sur 9, 18 ou 80 km. Rendez-vous le 24 septembre au pied de l'Atomium. T-shirt et repas offerts à tous les participants. Info ecotrailbrussels.com. Avec la DH, Moustique et le magazine Zatopek. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique, et elle a aussi l'i-cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients, parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options, et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15 euros à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Sud Presse. 13h, 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Beaucoup d'SMS reçus, peu de personnes souhaitent prendre la parole. À cause du soleil, ça, à mon avis. Oh, il fait chaud. Il fait trop chaud. Ils vont écouter ça en podcast. Par contre, vous vouliez que je vous lise celui-ci, ce message. Mariée depuis 28 ans, Sylvie, épanouie sexuellement. Mon mari m'étonne encore aujourd'hui. En ce qui me concerne, moi, sans domination, je ne peux pas vivre l'orgasme. Oui. Donc, il y a beaucoup de femmes, surtout les sexophiles évidemment, hein, pas, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, les sexophiles, celles qui aiment vraiment la sexualité, celles qui ont une sexualité assez soutenue, qui vont en faire plusieurs fois par semaine par exemple des rapports sexuels et de l'activité solitaire aussi en général. Ces femmes-là, il y a beaucoup de ces femmes-là, pour pouvoir jouir, donc pour arriver à un orgasme, elles ont besoin de quelque chose, soit elles rentrent dans un fantasme. Donc, carrément, elles entrent dans un fantasme. Et en général, la majorité des fantasmes, c'est entre guillemets des petites perversions. Et comme la donc, domination, les jeux de domination, soumission, sont catégorisés malheureusement par les psychiatres comme des paraphilies, on ne dit plus maintenant perversion, mais on dit paraphilie, ils ont besoin de ça. En général, les gens, quand ils vont fantasmer, ils ne vont pas fantasmer sur des choses très soft, mais de plus en plus hard. Donc ici, pour pouvoir jouir, pour arriver à la jouissance, comme beaucoup de femmes, elle a besoin d'un plus, soit d'un geste un peu de domination, soit elle-même, si elle a encore cette capacité, à la fin, vers la fin de la relation, pour pouvoir jouir, pour pouvoir atteindre l'orgasme, elle va entrer dans un fantasme qui est un jeu de domination, un jeu de soumission ou bien d'exhibitionnisme, de voyeurisme, ce genre de perversion entre guillemets, catalogué comme ça, mais comme la majorité des gens font ça, donc on ne peut pas parler évidemment. Pour nous autres, c'est les psychiatres qui donnent ça. Pour nous autres, les sexologues, ce n'est pas forcément des perversions. D'accord. C'est normal. Donc ici, okay. Ce qu'elle est, okay, c'est normal. C'est des gens qui ont une grande habitude de la sexualité. C'est pas ceux qui font deux fois par an. Donc c'est pas la sexualité des gens qui vont avoir une sexualité de deux fois par an. Donc ils réagissent pas de la même façon. Leur sexualité n'est pas du tout la même. Des gens qui font souvent des sexophiles, ils ont une sexualité complètement différente. Des gens qui font ça, je sais pas, quelques fois sur l'année. Petit message d'un anonyme épanoui de la quarantaine. Voilà comment cette personne, à mon avis, un homme commence. Je suis avec ma femme, oui, depuis quelques années. C'est la première femme avec qui j'ai contribué à l'orgasme féminin. Elle a découvert ça avec moi également. Nous évoluons, nous parlons beaucoup de notre sexualité. Il est bien clair que je préfère quand elle a un orgasme, car il y a certainement de l'ego de ma part, mais il est normal d'avoir des relations où elle n'a pas besoin d'un orgasme. Et c'est pourtant très bon aussi, et pour elle aussi. Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut la laisser faire selon ses envies du moment. Elle ne fonctionne pas comme nous, messieurs, et il faut respecter. Une femme a besoin d'être bien dans sa tête. Pour cela, contrairement à nous, voilà. Ok, tous les deux sont d'accord. Elle est contente de la sexualité qu'elle a. Lui, il est content de sa sexualité à lui, de la sexualité à elle. Il n'y a pas de problème. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas venir consulter pour un problème. Tout le monde est content. Et autre message qui vient d'arriver à l'instant même, vous avez raison, monsieur Psalti, que la femme qui veut venir avec nous prenne la main de leur homme et les guide pour stimuler leur clito. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est vrai, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit elle-même, elle prend. Non, j'ai pas dit ça. Qu'elle va pas guider la main de l'homme. Non, c'est vrai. J'ai pas dit ça, c'est elle-même. Donc, madame est responsable. Elle est responsable de son clito. Et au monsieur, je vais dire, laissez le clito à madame. C'est vrai, sauf les personnes. Sauf des personnes qui sont capables de le faire, qui sont gênées de le faire, alors oui. Et encore, il faut voir si elle va jouir. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent jouir avec les mains des hommes. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'arrive pas à jouir avec les mains d'un homme, donc je dis, monsieur, laissez le clito à madame. Il ne vous appartient pas. Il n'est pas à vous, hein, le clito. Il est à madame. 070 23 33 23 SMS 3063. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch.

éjaculation féminine, femme fontaine, c'est quasiment la même chose, mais en anglais, ils vont faire la différence female ejaculation and squirting. Female ejaculation, c'est un jet, un tout petit jet, qui est de environ 1 millilitre, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, 1 millilitre. Donc n'oubliez pas qu'une cuillerée à café, ça fait 5 millilitres, c'est moins d'une cuillerée à café. Et ça vient d'un endroit bien spécifique, c'est quand on va stimuler le point G, c'est-à-dire 2 à 3 le dessus du vagin, à 2 à 3 cm, on va toucher un tissu qui s'appelle la glande de Skene. C'est la glande paraurétrale, c'est le reste embryologique, si vous voulez, de la prostate masculine. De toute façon, quand une femme va éjecter là-dedans, il suffit juste de mesurer, il y aura de la PSA, il y aura de la phosphatase acide, de la phosphatase... Soyez moins scientifique, allez, parce qu'on n'a plus beaucoup de donc temps. Donc ça, c'est une petite quantité. Alors, il y a, en général, la femme frontale, le squirting, c'est une grande quantité qui peut aller jusqu'à 100 millilitres. Alors, ça ne vient pas du vagin, ça ne vient pas de la glande Skene. Alors, d'où ça vient? Donc, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Oui. On sait que ça vient de la vessie. Mais ce n'est pas de l'urine. Donc, la femme est souvent dérangée en croyant que c'est de l'urine. Ce n'est pas de l'urine. C'est de couleur eau, ce n'est pas couleur jaunâtre. Ça ne sent pas comme de l'urine. Il n'y a pas de sédiments urinaires et ça ne tache pas. Mais surtout, le plus important, c'est que les femmes sont gênées de ça. Les femmes sont gênées de ça. C'est le plus important. Sauf quand elles comprennent que ce n'est pas de l'urine et que c'est une éjaculation. Ouais. Et l'homme aussi il est gêné. Il est mal à l'aise au départ. Mais une fois qu'il voit que c'est une éjaculation et qu'il vient en général plus ou moins avec l'orgasme. D'accord. Donc, ce n'est pas aussi fort qu'un orgasme vaginal. Donc, lui aussi, il va être content, il va aimer ça. Donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et il y a un certain pourcentage, on ne sait pas exactement quel est le pourcentage des femmes qui arrivent à cette éjaculation féminine. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Dernière question, en peu de temps. Louis dit, ma femme est clitoridienne, nous jouissons à chaque rapport, mais j'aimerais savoir si c'est possible de la faire jouir vaginalement. Oui, mais c'est pas lui qui va la faire jouir. Hein. Donc, un homme ne donne pas un orgasme à une femme, c'est une femme qui prend l'orgasme. Et comment est-ce qu'elle, elle pourrait jouir un jour? C'est en érotisant, évidemment, en érotisant son vagin. Pour ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pendant ses séances de masturbation, elle doit mettre quelque chose dans son vagin, un doigt, un objet ou un sextoys. Évidemment, donc, elle pourra être un jour vaginale. Donc, il y a... Dans les causes d'un orgasme, il y a une des causes que je n'ai pas citées, c'est la cause relationnelle. Et ça dépend de l'homme. Évidemment, un homme éjaculateur précoce, évidemment, un homme qui a des problèmes d'érection, la femme ne va pas jouir. Mmh. Et la femme ne va sûrement pas jouir vaginalement. Donc, il faut que l'homme ait une certaine érection. Mais le plus important, c'est que cette femme ait érotisé son vagin. Bien. En s'entraînant. C'est un entraînement. Et comment on avec s'entraîne? Avec fantasme. Donc on s'entraîne pas tout bêtement. Comme on ça, a bien hein. compris. Ouais. On a bien compris. Yves Psalti, donc, vous serez demain chez Sarah pour parler du baiser. Alors ça, je vais quand même me lever plus tôt pour vous entendre parler du baiser pendant une demi-heure. Hein. Je ne parle pas non-stop une demi-heure. Hein. Non. Et vous pourrez réécouter l'émission, bien sûr. Yves Psalti sera avec nous. C'est très important parce qu'on commence seulement à en parler pour la croisière dans la vallée du Douro, Portugal. La croisière du bon côté du 14 au 21 avril. Prenez déjà vos renseignements. Et n'oubliez pas aussi de revenir vers moi si vous souhaitez vous inscrire pour la soirée conférence du 6 octobre à Liège, la journée atelier du 30 septembre à Mont. Voilà, parce que vous devez choisir votre atelier au prix de 48 €. Oui. Juste, les gens me demandent souvent aussi mes programmes radio-télévision. Ils sont sur mon site Sexualité Positive. Tous les sujets sont d'accord. Là-bas. Allez-retour à suivre. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bon après-midi à tous, il fait beau, il fait chaud, le soleil est bien présent et les températures sont records pour cette période de l'année puisque l'on attend 32 degrés très localement dans certaines régions du pays, 27 à 28 sur les hauteurs, 29 à 30 au littoral. Le vent reste faible à modéré de secteur sud-est, quelques nuages supplémentaires sur l'ouest du pays. Demain, on pourra encore ajouter 1 degré à ces valeurs, déjà en soi record, comme je vous l'ai dit. Jeudi, on va surveiller l'approche d'une zone orageuse qui pourrait marquer la transition avec de l'air plus frais qui arrivera chez nous dès vendredi.